Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 79. Des effets de l'Eucharistie. L'Eucharistie confère la grâce et la vie éternelle. Elle exige l'état de grâce, mais elle le donne parfois. Son effet à l'égard des péchés véniels et de la peine due au péché. Son efficacité pour préserver des péchés à venir. Elle sert comme sacrifice à l'homme qui ne communie pas. Quel péché véniel empêche l'effet du sacrement? 1. L'Eucharistie confère-t-elle la grâce? Le Seigneur a dit, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jean 6, 52. La vie spirituelle du monde existe par la grâce, donc l'Eucharistie confère la grâce. L'effet de l'Eucharistie doit s'apprécier, premièrement, par la présence du Christ que contient cet auguste sacrement. Le Fils de Dieu, en venant visiblement dans le monde, y apporta la vie de la grâce, selon cette parole. La grâce et la vérité nous viennent de Jésus-Christ. Jean 1, 17. En venant sacramentellement dans l'homme, il y opère, de même, la vie de la grâce, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, quand il dit, « Celui qui mange ma chair vivra par moi. » Jean 6, 58. En second lieu, l'Eucharistie reproduit dans l'homme l'effet que la passion même du Sauveur, dont elle est le mémorial, produisit dans le monde, et c'est ce qui fait dire à saint Chrysostome, « Quand vous prenez le redoutable calice, buvez comme si vous receviez le sang qui sortit du côté même de Jésus-Christ. » Pour nous marquer cet effet, le divin Sauveur lui-même a dit, « Ceci est mon sang, qui sera répandu pour un grand nombre en rémission des péchés. » Matthieu 27, 28. Troisièmement, on peut apprécier l'effet de ce sacrement par la manière dont il nous est présenté. Tout ce que la nourriture et le breuvage font pour la vie du corps, l'Eucharistie le fait pour notre âme, elle la soutient, la croît, la répare, et lui donne la joie du cœur. C'est ici, s'écriait saint Augustin, le pain de la vie éternelle, le pain qui soutient la substance de notre âme. Aussi le Seigneur disait-il, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6, 56. Enfin, les espèces du pain et du vin, sous lesquelles l'Eucharistie nous est donnée, nous en indique aussi les admirables effets. Le Seigneur a choisi, pour nous nourrir de sa chair et de son sang, les apparences de certains éléments qui réunissent plusieurs choses en une seule. Le pain est un seul aliment formé de plusieurs grains, et le vin est une seule liqueur faite de plusieurs raisins. Saint Augustin, après cette remarque, s'écrit, au sacrement d'amour, au signe d'union, au lien de charité. Ainsi donc, puisque la grâce nous vient du Christ et de sa passion, que, d'ailleurs, la réfection de l'âme et la charité n'existent pas sans elle, il est manifeste que l'Eucharistie la confère. Note. Nul n'a la grâce que par la réception de l'Eucharistie ou par le vœu de la recevoir, vœu qui, formé directement par les adultes, les par l'Église dans les enfants. Dès qu'on la reçoit réellement, elle augmente la grâce sanctifiante et fortifie la vie spirituelle, en perfectionnant l'homme par l'union avec Dieu. L'amour de Dieu n'étant point oisif, elle porte les fidèles à produire les œuvres de la charité et des autres vertus, conformément à cette parole. La charité du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14, elle remplit en même temps leurs âmes de délices et les enivre, pour ainsi dire, des douceurs de la bonté divine, selon cette parole, mangez, Mes amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. Cantique 5, 1. Les effets de la grâce refluant sur le corps, nos membres deviennent, dans la vie présente, des armes de justice, en attendant que, dans la vie future, le corps partage la gloire et l'incorruptibilité de l'âme. Fin de la note. 2. L'Eucharistie donne-t-elle la gloire? Ces paroles du Christ, « Celui qui mange ma chair vivra éternellement », Jean 6, 52, montre avec évidence que l'Eucharistie nous obtient la gloire éternelle. On peut considérer dans ce sacrement deux choses, d'abord, le principe d'où il tire son effet, à savoir le Christ qu'il renferme et la passion qu'il représente, ensuite, le moyen par lequel il produit son effet, c'est-à-dire son usage et les espèces sacramentelles. À ce double point de vue, il est manifeste qu'il nous procure la vie éternelle. Premièrement, le Christ lui-même nous a ouvert l'entrée du ciel par sa passion, comme le marque cette parole, il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que, sa mort intervenant, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Hébreux 9, 15. Et voilà pourquoi il est dit dans la forme eucharistique, ceci est le calice de mon sang, du Nouveau et Éternel Testament. Secondement, l'Eucharistie procure, imparfaitement, il est vrai, dans cette vie, mais en toute perfection dans l'état de la gloire, la réfection spirituelle, et l'union signifiée par les espèces du pain et du vin. Les biens que les hommes cherchent dans la nourriture et dans le breuvage, dit excellemment saint Augustin, ils les trouvent véritablement dans ce sacrement, qui nous rend immortels et incorruptibles dans la société des saints, où la paix et l'union sont parfaites. Note. L'Eucharistie ne nous introduit pas immédiatement dans la gloire, mais elle nous donne la force nécessaire pour y parvenir, et c'est ce qu'il a fait appeler viatique. Il est écrit, en figure de cette vérité, Élie mangeait et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. 3 Rois 19, 8. Fin de la note. 3. L'Eucharistie remet-elle le péché mortel? Sans doute l'Eucharistie peut remettre tous les péchés par la vertu de la passion, qui est la source et la cause de tout pardon. Mais le sujet qui s'en approche peut très bien mettre des obstacles à son efficacité. Tout homme qui se sent sur la conscience un péché mortel en empêche les effets, faute des dispositions nécessaires pour la recevoir, soit parce que, ne vivant pas de la vie spirituelle, il ne doit pas prendre une nourriture qui la suppose. Soit parce que ce sacrement ne saurait unir à Jésus-Christ un homme, attaché au péché mortel. Malgré cela, l'Eucharistie possède la vertu de remettre le péché mortel de deux manières, par le désir de parvenir à la justification pour s'en approcher, et par sa réception réelle. Lorsqu'un fidèle communie avec un péché mortel dont il n'a point conscience et pour lequel il ne garde point d'affection. Car si, dans ce dernier cas, il la reçoit avec respect et dévotion, elle pourra lui procurer la grâce de la charité, qui, perfectionnant son repentir, lui méritera le pardon du péché dont il n'avait pas une contrition suffisante. 4. L'Eucharistie remet-elle les péchés véniels? L'Eucharistie, dit Innocent III, efface les péchés véniels et prévient les péchés mortels. De même que la nutrition est nécessaire à notre corps pour réparer ce que la chaleur naturelle lui fait perdre chaque jour, ce sacrement, donné sous la forme d'un aliment, doit réparer aussi les pertes spirituelles que notre âme subit tous les jours, sous l'ardeur de la concupiscence, par les péchés véniels, qui ralentissent la ferveur de la charité. Il lui appartient conséquemment de remettre ses péchés, et ce n'était pas dans d'autres principes que saint Ambroise disait, « Nous prenons chaque jour le pain céleste pour remédier à nos infirmités quotidiennes. » De plus, la communion nous excite aux actes de la charité, la plus grande des vertus, et les actes de la charité effacent les péchés véniels. 5. L'Eucharistie remet-elle toute la peine des péchés? L'Eucharistie est en même temps un sacrifice et un sacrement, un sacrifice, en tant qu'elle est offerte, un sacrement, en tant qu'on la reçoit. Comme sacrement, elle produit directement l'effet pour lequel elle a été instituée, elle nourrit l'homme spirituellement, en l'unissant à Jésus-Christ et à ses membres, cette union s'opérant par la charité, dont la ferveur fait obtenir non seulement la rémission de la faute, mais encore celle de la peine, l'Eucharistie produit indirectement la rémission de la peine, sinon en totalité, du moins en proportion de la ferveur et de la dévotion du fidèle qui communie. Comme sacrifice, elle a certainement la vertu de satisfaire pour nos péchés, mais il faut observer que Dieu, dans toute satisfaction, considère plus l'affection de celui qui fait une offrande que la valeur même de l'offrande. Notre Seigneur nous le fit entendre quand il dit, en parlant de la veuve qui avait mis deux petites pièces de monnaie dans le tronc, elle a donné plus que tous les autres. Luc 21:3. Bien donc que l'oblation de l'Eucharistie puisse par elle-même satisfaire pour toute la peine du péché, elle ne satisfait néanmoins pour les péchés de ceux qui l'offrent ou pour qui elle est offerte que selon la mesure de leur dévotion. Note. Si l'Eucharistie, comme sacrement et comme sacrifice, n'efface pas la peine dans sa totalité, ce n'est pas qu'elle manque de vertu, c'est faute de dévotion dans l'homme. Fin de la note. 6. L'Eucharistie préserve-t-elle l'homme du péché? Notre Seigneur a dit, « Voici le pain de vie qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Jean 6, 50. La mort dont il s'agit n'est pas celle du corps, donc l'Eucharistie préserve du péché, qui est la mort spirituelle de l'âme. Elle produit cet effet d'une double manière. D'abord, nous unissant au Christ par une grâce toute spéciale, elle fortifie la vie spirituelle de notre âme, à la façon d'une nourriture spirituelle et d'une médication salutaire, selon ce qui est écrit, le pain fortifie le cœur de l'homme. Psaume 103:15. Ensuite, parce qu'elle est le signe de la passion de Jésus-Christ, qui a vaincu les esprits de malice, elle nous aide à repousser toutes leurs attaques, et de là ces paroles de saint Chrysostome. Nous sortons de la table sainte terrible pour le démon, comme des lions qui vomissent la flamme. Note. L'Eucharistie ne nous enlève cependant pas le libre arbitre, qui peut se tourner vers le bien et vers le mal. Il en est d'elle comme de la charité. L'homme pêche après la communion aussi bien qu'après avoir reçu la première des vertus. Fin de la note. 7. L'Eucharistie n'est-elle profitable qu'à ceux qui la reçoivent? Dans les prières du canon de la messe, le prêtre intercède pour plusieurs personnes qui ne doivent pas communier. Il est certain que l'Eucharistie, qui est tout à la fois un sacrifice représentant la passion dans laquelle Jésus-Christ s'est offert comme victime, et un sacrement en tant qu'elle donne une grâce invisible sous une espèce visible, profite, comme sacrifice et comme sacrement, à ceux qui la reçoivent, lorsqu'elle est offerte par eux. Elle profite seulement comme sacrifice à ceux qui ne la reçoivent pas, mais pour lesquels on offre ou qui font offrir la victime sainte en vue de leur salut. Notre Seigneur explique ces deux manières dont elle est utile aux hommes, quand il dit « Ceci est mon sang qui sera répandu pour vous qui le recevrez, et pour un grand nombre autres que vous, en rémission des péchés. » Matthieu 26, 28. L'Eucharistie, on le voit, est profitable à d'autres qu'à ceux qui la reçoivent. 8. Les péchés véniels empêchent-ils l'effet de l'Eucharistie? Les péchés véniels sont passés, ou ils se commettent dans le présent. Ceux qui sont passés n'empêchent pas l'effet de l'Eucharistie. Il peut se faire qu'un homme, coupable de beaucoup de péchés légers, s'approche avec dévotion de la Sainte Table et reçoive pleinement l'effet de ce sacrement. Les péchés véniels que l'on commet présentement l'empêchent en partie, mais non pas totalement. Cet effet, avons-nous dit, consiste dans le don de la grâce habituelle ou de la charité, et dans la douceur actuelle de la restauration de l'âme. S'approcher de la Sainte Table avec une âme distraite par des péchés véniels, c'est évidemment mettre obstacle à une telle douceur. Cependant, on n'est pas privé pour cela de l'augmentation de la grâce habituelle ou de la charité. Note. On reçoit l'effet habituel de l'Eucharistie, mais non l'effet actuel. L'effet habituel est l'augmentation de la grâce sanctifiante, l'effet actuel est la douceur de la réfection spirituelle. Sylvius, Billuard et plusieurs autres théologiens pensent, comme saint Thomas, que la communion vivifie l'état de grâce et ranime la charité, alors même que l'on s'en approche avec l'affection au péché véniel. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.